Yeah. Vegas et Scribe. Diggity check, diggity check, diggity check. Check ça. Un quart de siècle et tous mes rêves sont partis en fumée. Je fume clope sur clope, mon avenir je peux pas plus s'embrumer. Je suis aspiré dans la spirale de l'aspirine parce que trop mal au crâne et que mon pote ma tête est trop parti en vrille. Où sont passés nos rêves de môme, je te le demande à la banque du pauvre. Je commande un peu d'espoir, c'est tout ce que je demande. J'ai vu le monde avec des yeux d'enfant, je le découvre autrement parce que trop de problèmes en pagaille ont affecté ma vue ensanglantée. Devant des dilemmes, je suis resté planté. Devant des coups de pute de poteau, mec, je suis resté bouche bée. À trop vouloir me planquer, j'en ai zappé. Le principal, c'est qu'en cas de coup dur, la mythe, tu dois trouver le plan B. Vie d'enfant et rêve d'adulte, vie d'adulte et rêve d'enfant. Quand t'es un grand, tu rêves d'avant. Quand t'es tout petit, tu rêves en grand. Vie d'enfant et rêve d'adulte, vie d'adulte et rêve d'enfant. Quand t'es un grand, tu ne rêves plus. Ton seul souhait, c'est d'aller de l'avant. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Yeah. Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Yeah. Où sont passés nos rêves, perdus dans le sablier du temps, c'est emporté par le vent, sont-ils fait détrôner par nos peines, nostalgiques, à la vue de l'espoir dans les yeux des gosses. J'ai pas dit triste, non, mais j'essaie d'y puiser de la force. Tous les jours on avance, à chaque jour donne de l'importance. Je vais pas t'apprendre, mais ça passe tellement vite le temps. Abandonné par le géniteur, la trahison d'un proche me fait peur. Trop un de mes rêves de star, je suis pas trop comme ça, je profite des choses simples, moi. Offrir le plus possible à ma rétine, m'éloigner du futile, emplir mon cœur de bonheur. Aux yeux de ma mère, toujours être à la hauteur. Sont passés nos rêves, il nous reste plus qu'à vivre. Besoin d'air, de s'évader, mettre la chance de son côté. Besoin de faire rentrer les pieds, lobotomisé. Besoin d'air, de s'évader, mettre la chance de son côté. Au sous-sol, nos rêves coincés, incendie amorcé. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi. Où sont passés nos rêves, mon pote? Au milieu du chaos, je demande une trêve encore. Y'a plus de temps à perdre. Où sont passés nos rêves, mon pote? Après tout, peu importe, mais de ton destin, tu tiens les rênes. De bataille dans le vent, avance pour toi, pour tes proches. Pour kiffer, faut se remplir les poches. On est d'accord, dorénavant, tourner vers le futur. Mon cœur a synonyme d'air pur. Une nouvelle ère, je fais résonner mon blast sur la caisse claire. Vegas c'est scrim, Vegas c'est scrim. Je fais résonner mon blast sur la caisse claire. Claire que nos rêves de môme sont tombés à terre. Que nos rêves de môme se sont transformés en cauchemar. Vie d'enfant et rêve d'adulte, vie d'adulte et rêve d'enfant. Quand t'es un grand, tu rêves d'avant. Quand t'es tout petit, tu rêves en grand. Vie d'enfant et rêve d'adulte, vie d'adulte et rêve d'enfant. Quand t'es un grand, tu ne rêves plus. Ton seul souhait, c'est d'aller de l'avant. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi, dis-moi. Où sont passés nos rêves? Où sont passés nos rêves d'enfant? Dis-moi.